devant le maire, tu veux oui dire. C'est en tout cas ce que j'ai oui dire. Sache que je m'en contrefiche. De ce petit jeu, moi, je m'en fiche. Celui que t'auras pour époux, il sera bossu, il sera laid. Laid comme un pou, il sera poulet. Il sera idiot, il sera hideux, à ton idée d'être les deux. Et tout idée, il sera boiteux. Celui que t'auras pour mari, il aura rien sous son képi. Pas un cheveu, il sera vieux. Il sera le plus mal chaussé de toute la marée chaussée. Et pour danser, c'est pas le pied. Devant le maire, tu veux oui dire. C'est en tout cas ce que j'ai oui dire. Sache que je m'en contrefiche. De ce petit jeu, moi, je m'en fiche. Celui que t'auras pour ivrogne, mon Dieu, y aura une trogne à pas sucer que des glaçons. Et tu refouleras son haleine de hyènes qu'à manger de la charogne. Et pas de scène, sinon il cogne. Celui que t'auras dans ton lit, très fort dans les flagrants délits. Mais pas au lit, ça c'est flagrant. Il sera marié à toi, ma belle, avec toi, quelle caricature. C'est ce qu'on appelle un cas de figure. Devant le maire, tu veux oui dire. C'est en tout cas ce que j'ai oui dire. Sache que je m'en contrefiche. De ce petit jeu, moi, je m'en fiche. Si du poulet t'as choisi l'aile, moi c'est ta cuisse que j'adore. Reviens ma belle, que je t'honore. Si tu n'aimes plus mes caresses, je te donnerai de mon bâton, de CRS.